Deuxième partie, préparatif de départ. J'ai trop de robes. Pour que tu dises ça, il faut vraiment que tu en aies beaucoup. Le malheur, c'est que je ne peux pas les faire rentrer dans ma valise. C'était fatal, avec tout ce que tu as acheté. Tu sais bien que je n'avais rien à me mettre. Je sais aussi que tu ne peux t'empêcher d'acheter des robes quand tu viens à Paris. Tu es la femme la plus dépensière que je connaisse. Tu dépenses sans compter. Il va falloir que nous achetions une malle. À moins qu'une fasse cadeau de tes robes à Madame Louvier. Où allons-nous acheter une malle? Pourquoi ne pas consulter les petites annonces? Paul, tu as le journal? Regarde, veux-tu?